إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Na'am, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du Kitab al-Tawhid. Et aujourd'hui on est au chapitre numéro 7. Chapitre numéro 7 dans Kitab al-Tawhid. Et on a terminé les chapitres d'introduction. Les chapitres d'introduction dans Kitab al-Tawhid qui expliquent donc différents aspects du Tawhid, mais surtout dans les grandes lignes et les points les plus importants dans l'introduction, de, c'est-à-dire la compréhension, qu'est-ce que c'est le Tawhid, la définition du Tawhid, l'importance du Tawhid, le mérite du Tawhid, la récompense du Tawhid, et qu'est-ce qui s'y oppose, la crainte du shirk, et qu'est-ce que le Tawhid efface comme péché, ainsi de suite. Et l'importance également d'inviter les hommes au Tawhid et de commencer justement par le Tawhid lorsqu'on fait la da'wah. Donc tout ça, ça a été expliqué dans les cours précédents et c'est les chapitres d'introduction dans le Kitab al-Tawhid. Puis, il y a par la suite les autres chapitres qui rentrent dans les détails des questions qui ont rapport avec le Tawhid et qui expliquent toutes les catégories de Tawhid, que ce soit les catégories qui touchent à des exemples de ce qui s'oppose au Tawhid dans le shirk majeur et des fois même dans le shirk mineur, des exemples de shirk mineur dans les paroles et dans les actions et dans les croyances. Donc on va voir donc tout ce qui a rapport avec ces différentes sortes de shirk et tout ce qui se rapporte au Tawhid en détail, inshallah. Et je me souviens que à l'époque, lorsque j'étudiais à l'université islamique de Médine, il y avait un cheikh qui s'assoyait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait des cours sur Kitab al-Tawhid. Il expliquait toujours les 6 premiers chapitres et il recommençait à chaque fois. Lorsqu'il terminait les 6 premiers chapitres, il recommençait à chaque fois. Yani, il ne continuait jamais dans le reste du livre. C'était juste pour expliquer aux gens l'importance du Tawhid. Et c'était un cheikh qui était très âgé. Quelques temps après, il est décédé, rahimahullah. Il n'avait pas beaucoup d'élèves, mais c'était un homme qui, malgré que le médecin lui avait demandé de rester chez lui, puisqu'il était très vieux et malade, il refusait de rester chez lui. Il voulait absolument terminer sa vie en faisant des bonnes œuvres pour l'islam, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il venait à la mosquée et il continuait à enseigner malgré sa santé qui était très faible et les problèmes de santé qu'il avait. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ça. Et je ne me souviens plus de son nom, donc malheureusement je ne pourrais pas vous donner son nom, mais inshallah je me renseignerai puis je vais essayer de trouver c'était qui ce cheikh, inshallah, parce que c'était au tout début lorsque je suis arrivé à l'université. Donc on va continuer. Donc le chapitre d'aujourd'hui, c'est Babun min ash-shirki libsul halaqa لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Donc c'est-à-dire que c'est un chapitre qui mentionne certains aspects du shirk. Donc il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi ce qui fait partie du shirk, le fait de porter un collier ou quelque chose en cercle, en forme de cercle, ou de porter une corde ou un collier ou quelque chose comme ça, et on le porte dans le but de faire éloigner un mal, enlever un mal quelconque, ou de le repousser. Enlever un mal si on est déjà atteint, et de le repousser si on n'est pas encore atteint d'un mal, mais qu'on craint que le mal nous atteigne. Donc c'est dans les deux cas. Soit qu'on est déjà malade et on veut l'enlever, cette maladie, ou bien soit qu'on n'est pas encore malade, mais on le met comme objet pour justement repousser cette maladie-là, pour empêcher justement qu'on tombe malade par la suite. Donc on va voir qu'est-ce qui a rapport avec cette question-là, et c'est une question qui est très importante, surtout à notre époque, parce que c'est devenu quelque chose qui fait partie de la culture des musulmans maintenant dans certains pays. C'est devenu culturel, ces objets que les gens portent sur eux comme des porte-bonheur ou bien comme des talismans, des amulettes, des objets qu'ils portent sur eux et ils croient que ça a un pouvoir de guérison. Donc vous allez voir que c'est quelque chose qui est toujours présent actuellement dans les pays musulmans et dans les pays même non musulmans. L'autre jour, j'étais parti à la pharmacie justement ici, là, pas loin, juste au coin de chez moi, et en fait, c'est présent, on le retrouve dans toutes les pharmacies ici, au Québec, en principe. Ils vendent des colliers ou des bracelets en cuivre ou bien en différents métaux, puis ils disent que ça prévient ou ça guérit contre certaines maladies, donc. Les gens croient que ces bracelets en cuivre peuvent guérir de certaines maladies. Allah musta'an. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là aussi. Bon, on va commencer donc par lire le verset que le Cheikh a mentionné. Dit wa qawli Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifat durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikat rahmatih qul hasbi Allah. Donc ça c'est le verset 38 dans Sourate Az-Zumar, et c'est le premier verset que le Cheikh a mentionné à ce sujet là. C'est le premier verset que le Cheikh a mentionné à ce sujet, et j'aimerais, avant de rentrer à lire les définitions que le Cheikh a mentionnées, bon, on peut les lire en même temps, mais j'aimerais aussi rappeler ou relire avec vous juste les paroles d'introduction ou l'explication du titre que le Cheikh a donné à ce sujet-là dans le Sharh de Kitab al-Tawhid et Anat al-Mustafid, parce que c'est intéressant puisque ça donne plus de détails et des exemples, donc pour ce chapitre-là en particulier. Et donc pour expliquer, le Cheikh il explique premièrement dans le Mulakhas, dans le résumé. إذ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه فإن التوحيد يعرف بضده. Donc le Cheikh il dit que la raison, l'occasion pour laquelle on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que ce chapitre implique le fait de mentionner certains aspects de ce qui oppose le tawhid. Donc ce chapitre implique de mentionner certaines choses de ce qui oppose le tawhid. C'est-à-dire, par exemple, de chercher à enlever un mal ou à le repousser d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de demander, de chercher à enlever un mal ou à le repousser, mais de le demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle il mentionne cet exemple de shirk, c'est pour mettre en garde contre ce shirk, contre cette catégorie de shirk. parce que on reconnaît le tawhid, ou on connaît, ou on apprend qu'est-ce qu'est la réalité du tawhid en apprenant ce qui oppose le tawhid. Donc lorsqu'on connaît le contraire du tawhid, eh bien ça nous aide à connaître le tawhid lui-même. Hein, c'est comme hier on discutait, moi et certains frères, et le frère a mentionné justement ce point-là. Il dit, j'étais à l'école et je discutais avec un des élèves qui sont dans ma classe qui est un musulman d'un pays d'origine musulmane, donc c'est quelqu'un qui est venu ici qui vient d'un pays musulman, et il lui a posé des questions, par exemple il lui a demandé, est-ce que tu sais ce qu'est le shirk? Et la personne ne savait pas qu'est-ce que c'était le shirk, et donc déjà préalablement il m'avait déjà mentionné certaines paroles de cette personne. Hein, je le connais pas, mais bon, c'est juste par rapport à des paroles qu'il disait, qui sont des paroles contraires à l'islam. Et donc, moi, j'ai mentionné au frère que probablement que cette personne-là avait des influences soufis, parce que les paroles qu'il disait, c'était des paroles qui ressemblent beaucoup aux paroles des soufis. Et justement, le frère lui a posé des questions et lui a demandé est-ce qu'il connaissait le shirk. Et la personne ne savait pas du tout comment expliquer le shirk. Tous les musulmans ont entendu le mot shirk dans le Coran. La majorité des musulmans, ils ont lu le mot shirk ou ils l'ont entendu dans le Coran. Ça, c'est certain. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est et ils ne savent pas non plus comment l'expliquer si on leur demande. Qu'est-ce que c'est le shirk? Quelle est la définition du shirk? Donc, ils ne savent pas l'expliquer de manière spécifique, de manière claire. Et même des gens qui prétendent appeler à l'islam et faire la da'wa, lorsqu'ils expliquent le shirk, ils l'expliquent incorrectement parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le shirk. Comme ils ne connaissent pas le shirk, ça veut dire indirectement qu'ils ne connaissent pas non plus la réalité du tawhid. Et c'est ça ce que le frère avait dit. Il dit, si cet individu-là ne connaît pas qu'est-ce que c'est le shirk, donc ça implique qu'il ne connaît pas non plus la réalité du tawhid. Et celui qui ne connaît pas le tawhid ne connaît pas l'islam. Puisque l'islam c'est le tawhid. Et le tawhid c'est l'islam. Et sans tawhid il n'y a pas d'islam. Même s'il y a tout le reste. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc ça c'est l'explication dans ce livre-là. Et dans I'anatul Mustafid, Cheikh Al-Fawzan il disait, Munasabatu هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ناسب أن يذكر في هذا الباب ما بعده أشياء وما بعده ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة لا إله إلا الله أو منقص لهما. Donc le Cheikh il dit, étant donné qu'on a mentionné, il mentionne dans I'anat al-Mustafid, il dit, étant donné qu'on a mentionné dans les chapitres précédents, le Cheikh a mentionné dans le chapitre qui précède la signification du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et l'explication du tawhid, et que cela signifie d'adorer Allah seul, et qu'il n'a pas de partenaire ou d'associé, et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Donc il convenait maintenant de mentionner dans ce chapitre des choses qui ont rapport avec, dans ce chapitre et les chapitres qui vont venir après, différentes choses qui ont rapport avec le shirk majeur ou le shirk mineur, parce que c'est le contraire du tawhid. Parce que c'est le contraire du tawhid. Et le contraire du témoignage de la ilaha illallah. Donc, soit que c'est en opposition totale avec le tawhid, donc dans ce cas-là, c'est un shirk majeur, ou bien que ça vient diminuer le tawhid. Ça vient diminuer la perfection du tawhid. Donc, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur, ou bien c'est

et on a des preuves que c'est une réelle cause dans les faits qui se produisent. Mais sinon, tu prends quelque chose comme ça, une main, hein, ou bien un objet, ou une croix, ou une statue, puis tu le mets quelque part, tu dis ça va protéger contre telle ou telle chose. Où est-ce qu'il est le lien entre les deux? Hein, et qui te prouve que ça, réellement, ça a cet effet-là? Est-ce que tu es capable de le prouver? Hein, physiquement, non. Est-ce que tu es capable de le prouver par la charia? Non. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est la preuve que cette chose-là, ce n'est pas un moyen légal. Et donc, ça devient une forme de shirk mineur, dans ce cas-là. Hein? Ensuite, les cheikhs, ils expliquent. Al-halqa, kullu shay'in mustadir. Al-halqa, ou bien al-halqa, c'est toute chose qui est en forme de cercle. Hein? Comme les colliers, les bracelets, hein, que les gens portent. Wa nahwihima, les bagues, les colliers, les bracelets, les gens qui portent ça avec, hein, l'idée que ça les protège. Hein, toutes ces choses-là, tous ces objets-là. C'est pas nécessaire que ce soit obligatoirement dans cette forme. Le cheikh dit wa nahwihima. C'est-à-dire, n'importe quelle autre chose que les gens vont porter avec l'idée que ça peut enlever un mal quelconque ou que ça peut empêcher, hein, un mal de te toucher ou bien que ça peut te guérir d'un mal quelconque. Hein. Li raf'il bala izalatuhu ba'da nuzulihi. Donc il dit wa nahwihima min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadha al-gharad. Donc de tout ce qui est porté ou accroché avec cette intention là ou dans ce but là. Wa raf'ul bala izalatuhu ba'da nuzulihi. De retirer un mal, c'est de le faire partir après qu'il soit tombé sur nous ou descendu sur nous. Wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi. Daf'u, c'est de le repousser avant qu'il soit tombé sur nous ou descendu sur nous. Afara'aytum, donc ça c'est maintenant les mots qui sont mentionnés dans ce verset là. Afara'aytum, ça veut dire, le cheikh dit, ça veut dire akhbiruni, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 38 dans sourate az-zumar, qul afara'aytum, hein? N'avez-vous pas vu? Ça c'est, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Sauf que le cheikh dit ça veut dire akhbiruni, ça veut dire dites-moi, hein, informez-moi, hein. Et il leur pose la question. Afara'aytum ma tad'un min dunillah? Ma tad'un tas'alunahu jalb al-khayr wa daf' ad-dar. Wa daf' ad-dur. Vous lui demandez de ramener un bien à cette chose ou de repousser un mal. Min dunillah. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayruhu min dunillah, ghayruhu min al-andad wal aliha. Ghayruhu min al-andali wal aliha. C'est-à-dire, toute chose à laquelle vous pouvez demander quelque chose de bien, de ramener un bien ou de repousser un mal parmi les égaux que vous établissez avec Allah subhanahu wa ta'ala et les divinités que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand quelqu'un, il prend un porte-bonheur ou un objet comme ça, un collier ou une main de Fatima ou un œil ou des choses de ce genre, un fer à cheval ou un pâte de lapin ou d'autres choses comme on va en parler plus tard. Donc toutes ces choses là que les gens portent sur eux-mêmes pour se protéger d'un mal quelconque, hein, c'est en réalité comme s'ils les prenaient comme des idoles et comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc il dit ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala me veut un mal quelconque, bimaradin, bidurrin, yani, bimaradin, ou faqrin, ou bala'in, ou shiddatin. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour moi, yani, dans sa sagesse, hein, dans sa sagesse, une maladie quelconque, ou la pauvreté, ou une épreuve, ou une difficulté quelconque, est-ce que, hein, ces choses-là, ou ces objets-là, ou ces divinités-là, ou ces idoles, hein, Elles seront capables de les enlever, de m'en guérir, de les retirer de moi, de m'en délivrer. Hey, hein, il dit cheikh, hal hunna kashifat durri. Hey, la taqdiru ala dhalik. Ça, c'est une question en même temps pour nier qu'elles sont capables de le faire, justement. Pour montrer qu'elles ne sont pas capables de t'enlever un mal quelconque. Elles n'ont pas ce pouvoir-là. Ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala me voulait un bien quelconque, me voulait une miséricorde quelconque. Hein, c'est-à-dire, le cheikh il dit, « Ay bi sihatin wa afiatin wa khayrin wa kashfi bala'in » C'est-à-dire, si Allah me voulait une miséricorde quelconque, comme la santé, la guérison, le bien, hein, ou bien enlever un mal quelconque, une épreuve quelconque que je subis, hein, est-ce qu'elle serait capable, hein, de la retenir, cette miséricorde? Hein? Bien sûr que non. Hasbi Allah, qul hasbi Allah, dit Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. Ay, Allahu kafini wa kafi man tawakkala alayhi. C'est-à-dire, Allah, il est celui qui me suffit et qui suffit toute personne en qui, toute personne qui met sa confiance en lui. Donc, il suffit toute personne en qui. C'est-à-dire qu'il suffit toute personne qui met sa confiance en lui, en Allah subhanahu wa ta'ala. والمعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. Donc le cheikh explique le sens général du verset. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander aux mushrikines d'une manière pour en fait condamner ce qu'ils font avec leurs idoles lorsqu'ils les prennent comme objet d'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il leur demande de leur poser cette question là dans le but justement de condamner ce qu'ils font. Est-ce qu'elles sont capables de ramener un bien ou de repousser un mal? Et ils n'ont pas le choix que de reconnaître leur impuissance et leur incapacité de faire une chose pareille. Hein? Donc si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est le cas que ces objets qu'ils adorent en dehors d'Allah et les égaux qu'ils ont établis avec Allah n'ont pas la capacité, hein, de repousser ce mal et de ramener le bien, alors l'adoration qu'ils offrent à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fausse, hein, hein, à la base, en partant, elle est fausse, cette adoration-là. Puisque ces objets-là ne méritent pas d'être adorés, puisqu'ils n'ont même pas ce pouvoir-là, et que c'est seul Allah qui possède ce pouvoir. Donc ça, c'est la destruction même du shirk, et de tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, il dit, مناسبة الآية مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك وليس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه ولا يمنع منه لا يكشف الضر ولا يمنع منه. Donc le cheikh il dit, l'occasion pour laquelle on a mentionné ce verset dans ce chapitre, c'est que on voit que dans ce verset il y a une preuve de la fausseté du shirk et de, hein, de la fausseté et de la futilité, hein, du shirk, du fait d'adorer d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la preuve que c'est totalement faux qu'est-ce qu'ils font. Et donc parmi les choses qui rentrent là-dedans, hein, qui rentrent dans les choses, la preuve que c'est que ce qu'ils font est faux, il y a la preuve que le fait de prendre des objets comme ces porte-bonheur, ou bien ces colliers, ou ces cordes, ou ces autres bracelets qu'ils portent dans le but de repousser le mal, ça c'est la preuve qu'elles ne peuvent pas repousser ou délivrer du mal, et elles ne peuvent pas non plus l'empêcher. Hein? Elles ne peuvent pas empêcher d'atteindre quelqu'un. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? Le premier, c'est بُطْلَانُ الشِّرْكِ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ ضُرًّا وَلَا نَفْعًا لِعَابِدِهِ. Le premier point dans ce verset qu'on peut tirer comme point bénéfique, c'est que comme on a dit tout à l'heure, la fausseté, hein, la fausseté du shirk, et la futilité du shirk, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne détient pas la capacité de nuire ou de profiter à celui qui l'adore. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne détient pas la capacité de nuire ou de profiter celui qui l'adore. Deuxième point, ثانياً التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. Donc le cheikh il dit l'avertissement contre le fait de porter des colliers ou des bracelets ou des chaînes ou des cordes ou tout ce qui est porté en dehors de ces objets-là comme objets pour protéger du mal et qui rentrent dans le même sens et dans le même objectif que ça, tout ce qui est porté, donc c'est l'avertissement contre toutes ces choses-là qui est porté dans le but de ramener du bien ou de repousser un mal quelconque. Parce que c'est une forme de shirk qui rentre dans la même catégorie de ce que les mouchriquins cherchent à obtenir ou désirent obtenir de la part de leurs idoles. Donc en réalité, quand quelqu'un porte un pot de bonheur, ou bien quand quelqu'un porte ce genre d'objet pour se protéger du mauvais œil, ou se protéger du mal de la part de ceux qui veulent par exemple lui faire du mal, et qui pensent que ça peut les protéger contre un mal et que ça peut ramener du bien, c'est comme si en réalité ils portaient une idole dans leur cou, ou une idole sur leur doigt, ou une idole sur leur main, ou une idole sous le mur, ou bien peu importe l'endroit où ils le placent. Eh bien, c'est comme s'ils portaient une idole, comme l'idole des mouchriquins. Et ils utilisent ces objets-là dans le même objectif et dans le même sens que dans lequel les mouchriquins utilisaient ces idoles et ces statues pour la protection contre le mal, ainsi de suite. Troisièmement, مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset-là également? Il y a le fait qu'il est légiféré par l'islam, il ordonne, l'islam ordonne de débattre avec les mouchriquins dans le but de détruire le shirk qu'ils font, dans le but de détruire leurs shubuhat et leurs faux arguments. Donc on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser aux mouchriquins ces questions-là. Dans le verset 38, dans surat Az-Zumar, pourquoi on leur pose ces questions? Pourquoi Allah ordonne de poser ces questions aux mouchriquins? C'est parce que ce sont des questions qui vont en réalité faire dévoiler, qui vont faire dévoiler et montrer la futilité et la fausseté de leurs croyances religieuses et de leurs pratiques. Donc ça, on peut l'utiliser contre les mouchriquins et contre les koufars. Tu leur demandes, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose, est-ce que ces objets-là peuvent empêcher cette chose de se produire? Et s'ils croient réellement à Allah et qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est mentionné même dans le livre des juifs et des chrétiens, ils ont des exemples de ça, et pourtant malgré tout ils pratiquent ça, ils font ces actes de shirk, ces croyances de shirk. Tu vois les chrétiens avec la croix dans leur cou, le collier avec la croix, et ils pensent que ça les protège contre un mal. Ou bien ils portent des images de Marie, ou bien des images de ce qu'ils appellent la Sainte Vierge, et ils la mettent sur leur voiture, ou bien dans leur maison, ils mettent des images, des statues de la Sainte Vierge, comme ils l'appellent, ou bien des croix, des crucifix. Tout ça, c'est des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça rentre dans le shirk. Et ils prétendent croire à un Dieu unique par la suite. Ils font ces actes de shirk, ces croyances de shirk qu'ils les pratiquent, et ils prétendent par la suite croire en un Dieu unique. Alors ça, c'est la preuve qu'ils ne croient pas en un Dieu unique, puisqu'ils mettent leur confiance et ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la permission dans l'islam et le fait qu'il est légiféré par l'islam et ordonné par l'islam de débattre avec les mouchriquines, de débattre avec les koufars, dans le but de leur montrer la fausseté de leur pratique, la fausseté de leur croyance. Et le point numéro 4, le dernier point, وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. Donc c'est le point numéro 4 dans les points bénéfiques, c'est de ce verset, c'est qu'il est obligatoire de mettre notre confiance et de reposer notre confiance en Allah seul et de remettre toutes nos affaires, de s'en remettre complètement et entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Ça c'est le point numéro 4, le dernier point par rapport à ce verset-là. Et ensuite, donc on peut s'arrêter ici, hein, si vous voulez, on peut s'arrêter ici pour l'explication. Demain on continuera avec l'explication des hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre. Dans ce chapitre, donc le verset qu'on a lu aujourd'hui, qui est le verset 37 dans Surat Az-Zumar, 38, et il y a ensuite un autre hadith qui est mentionné. Il y a en tout le hadith de Imran ibn Hussein, et ensuite le hadith selon Uqbat ibn Amir, avec différentes versions aussi, et le hadith de Huzaifa. Donc c'est trois hadiths qui expliquent justement des détails au sujet de cette question-là, et donc on va les expliquer demain, inshallah. Donc aujourd'hui on va s'arrêter ici. Donc subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.